comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont cahoué. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois. Surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo, vous êtes sur le 107 FM, merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour les nombreuses vues sur la publication de ce jeudi. Alors bonjour le Québec, un petit coucou Aline, mon amie et agente. Bonjour le Maroc, la Belgique, la Suisse, bonjour l'Italie et un petit coucou aussi à Nadine Maria qui suit nos émissions. Ça fait plaisir d'avoir des auditeurs qui nous suivent par ces pays. Bonjour la technique, bonjour Marc. Bonjour Gilou. Vous êtes donc avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Aujourd'hui, pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone une grande dame de la chanson française, Madame Isabelle Aubray. Avant de rejoindre Isabelle, un petit coucou aux fidèles des années bonheur. N'hésitez surtout pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio ainsi que sur notre page Gilles Mougel officielle. Je transmettrai en direct à notre invité que je retrouve maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, très bien. Oui, d'accord. Alors Isabelle, vous êtes de la région parisienne, c'est ça je crois ? Oui, c'est ça. C'est ça. Suis en banlieue parisienne. En banlieue parisienne, d'accord. Oui. Vous avez le beau temps par chez vous ? Ah oui, il fait un temps magnifique. Oui, il d'accord. Un temps magnifique, il y a des fleurs sur le balcon, tout va bien. Oui, tout va bien, voilà, c'est très beau. Alors c'est comme nous, dans les Vosges, il fait beau aussi. Oui. En général, ça suit, hein, Paris, les Vosges, tout ça. Il fait beau sur toute la France, là, je crois. Oui, c'est sur toute la France, voilà, c'est vrai. Alors Isabelle, je voulais vous dire merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission intitulée Les années bonheur, et sans jeu de mots, je veux dire que c'est vraiment un bonheur de vous avoir avec nous cet après-midi pour ces 90 minutes d'émission. C'est un plaisir. Merci. Et puis je voulais aussi remercier donc Valérie Gérard pour sa collaboration. Ah oui, c'est une petite assistante qui est merveilleuse, avec laquelle je travaille depuis 20 ans. Oui, oui. C'est vrai qu'elle est très, très sympathique, très dynamique. Oui. Très dynamique, c'est vrai que c'était un plaisir de collaborer aussi avec elle. Donc voilà, Isabelle. Alors bien sûr, on va parler de votre album, donc Dernier Rendez-vous à l'Olympia. Oui, voilà. Enfin, c'est Dernier Rendez-vous tout court, hein, l'Olympia. Oui, Dernier Rendez-vous, oui, donc c'était l'Olympia. <C'est tout. rire> C'était donc à l'Olympia 2016, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est voilà, ça, oui, exactement. J'ai l'album devant moi. C'était un Dernier Olympia, en fait. C'était un Dernier Olympia. Alors, une petite question, Isabelle, est-ce que c'est le dernier album, il n'y aura plus rien par la suite ? Vous savez, on est de bonne foi quand on décide ça, évidemment. Oui. Et non, mais c'est vrai, je oui. suis de bonne foi quand je le décide, parce que j'anticipe le dernier album avant celui-là, c'était il y a 10 ans. Oui. Et vous imaginez bien que je ne vais pas attendre d'avoir 90 ans pour en faire un autre. Donc, je suis évidemment très exigeante sur le choix des chansons, oui. et c'est toujours En fait, c'est par honnêteté que je dis que c'est le dernier. Je trouve merveilleux d'avoir pu faire cette carrière, de chanter ce que je chante, et d'une manière honnête par rapport au public, mais surtout aussi par rapport aux auteurs qui me confient des chansons parce qu'ils savent comment je vais les chanter. Ils ont confiance en moi. Et si tout à coup je suis fatiguée, je chante moins bien, je préfère m'arrêter parce que ce sera douloureux, je le sais que ce sera douloureux. Mais je crois que je préfère que les gens disent on aurait préféré qu'elle reste un peu, plutôt que qu'ils disent elle a quand même l'air bien fatiguée d'offrir ça. Et puis, vous voyez, oui. Voilà, c'est ça. Ça mon propos. Voilà, d'accord. C'est tout. Et puis, je pense par respect pour le public, voilà, je dirais, si à un moment, comme vous dites, vous vous sentez fatigué. Voilà. Pour l'instant, je me sens en pleine forme. Mais je sais bien. pour vous avoir vu, donc. C'est pendant que je suis en pleine forme que je continue à chanter. Bien alors, sûr, j'ai été prudente. C'est dernier rendez-vous, donc dernière tournée. Je veux dire, j'ai commencé. Je suis allée dans les villes dans lesquelles je n'irai plus. Probablement plus. Oui. Encore une fois, vous voyez, tout reste en suspension parce que je pense que de toute façon, fin 2020, j'aurai fini. D'accord. Mais je vais respecter les contrats que j'ai et puis voilà. Oui, d'accord. Alors, vous parliez d'auteurs tout à l'heure qui écrivent pour vous. Alors, moi, je voulais citer un auteur, Claude Lemel. Oui, hein, qui apparaît de un grand parolier, Claude Lemel, hein, qui a aussi travaillé pour Joe Dassin, si je ne me trompe pas, bien sûr. Oui, c'est pour Mireille Mathieu, pour Mathieu. Nana Mouskouri, pour plein d'artistes. Alors, je voulais citer Claude, qui met sur la pochette, sur la petite pochette qui est à l'intérieur de cet album, Isabelle, dont je le cite. Isabelle chante et c'est l'intelligence dans sa voix. Et les mots s'éclairent et la plume de l'auteur voit plus haut. Isabelle chante et c'est l'émotion. Son cœur vibre d'une sensibilité qui donnerait la chair de poule au granit et qui nous embarque en tendresse. Isabelle chante, c'est la force. Ce fragile violon devient violence, cri, révolte. C'est Louise Michel sous l'allure d'un ange. Quelle Olympia Isabelle, quel bonheur, merci. Voilà, signé Claude Lemel, donc je pense que... C'est magnifique. C'est magnifique, c'est très beau. Et vous comprenez bien que face à autant de respect, je veux en donner autant, voilà. Bien sûr, oui. Et puis bon, pour moi, pour vous avoir vu en concert, donc c'était au mois de mai, je ne sais plus la date exacte, 19 mai je crois, donc en Alsace. Oui. Bien sûr, je veux dire, il y a une grande émotion que l'on ressent quand vous êtes sur scène. Et voilà, c'est... Vous nous avez même fait tirer un petit peu les larmes aux yeux. Il faut dire que c'est un partage. Je veux dire, quand on entre en scène, on n'a pas de talent si le public n'en a pas, s'il n'y a pas la réception. Or, c'est évident que ce jour-là, les gens étaient tellement, tellement tendres, tellement chaleureux. C'était comment ne pas avoir du talent devant un public comme celui-là? C'était magnifique. Bien sûr, c'est vrai, oui, tout à fait. Alors, si vous voulez bien, Isabelle, on va écouter un premier titre. Oui. Donc de cet album, et voilà ce titre, je pourrais dire peut-être éponyme, enfin, on va écouter ce titre, l'Olympia. Ah oui, c'est le premier. Voilà, c'est le premier, à tout de suite. Ah oui, Isabelle. Là, c'était vraiment le trac ce jour-là. Comme une grosse peur d'enfant, ça tord le cœur avant qu'on entre, et même celui qui s'en défend connaît le trac. Qui tu es, Jacques? Et puis, on reçoit la lumière, les bras ouverts vers votre amour. C'est tous les soirs, un soir de première, le seul jardin qui fait la cour, à vous, à moi, c'est l'Olympia. Chante, chante, chante, la vie troublée. vivre libre jusqu'au bout avec vous. Et je chante, chante, chante, la vie trouble et tout chante, chante, chante, toutes les idées qui me hantent. Et c'est chaque fois un soir de première à l'Olympia. Chante, chante, chante, la vie trouble et tout chante. Et c'est chaque fois un soir de première à l'Olympia. Voilà, Isabelle, l'Olympia. Ça, c'est l'entrée en scène. Ça, c'est l'entrée en scène. Alors, je dirais quelle salle, hein, l'Olympia, quelle salle mythique. On peut dire. Ah oui, c'était d'autant plus émouvant que c'est là que j'ai commencé. C'est avec Jacques Brel que je suis passée à l'Olympia pour la première fois. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la référence du grand Jacques qui avait le peur, qui avait un trac fou tous les jours. Bien sûr, oui. Donc, et voilà, et comme Claude Lemel, évidemment, connaissait aussi Jacques, vous voyez, c'était un retour aux sources. Un retour aux sources, ouais, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Bien sûr. Alors, Isabelle, donc, je ne sais pas, vous avez dû entendre l'intro, donc on a des amis qui réagissent sur nos pages Facebook. Oui. Donc, je peux vous laisser quelques petits messages. Alors, bon, voilà, donc, j'ai un message d'une amie, Dani, qui est une auteure, qui travaille, oui, qui est dans la musique, qui est auteure, et qui me dit « Comment ne pas aimer Isabelle, si jolie et d'un talent exceptionnel ?» Elle me met gros bisous à elle, si je peux. Voilà. Oh, mais c'est gentil comme ça. Bien sûr qu'elle peut, moi je l'embrasse aussi. Voilà, elle est à l'écoute, hein, Dani. J'ai aussi un bonjour d'un ami qui est aussi un petit peu dans le domaine artistique, Bruno, il s'appelle, et il tenait à vous passer le bonjour, quoi, voilà. Voilà, les petits messages qui arriveront peut-être encore par la suite, hein, tout doucement, que je vous livrerai. Très bien, c'est gentil. Mais c'est avec plaisir, Isabelle. Donc, on a parlé de Claude Lemel pour ce titre, l'Olympia. Il y a Roland Vincent aussi, qui est un... Oui, qui a fait la musique. Qui a fait la musique. Pour les gens, le Roland Vincent, c'est lui qui a fait pratiquement toutes les musiques au début de la carrière de Michel Delpech. Voilà, oui, tout donc, à fait. C'est lui qui avait écrit Chez Lorette, la musique de Chez Lorette. Oui. Mais il a écrit beaucoup d'autres chansons, bien sûr. White, etc. Les grands succès. Les grands standards de Michel Delpech. Hein, bien sûr. Oh. Oui. Donc, est-ce que vous avez toujours le même ressenti, Isabelle? Donc, comme vous dites, c'est un peu la boucle qui est bouclée. Vous avez démarré à l'Olympia, il y a eu cet album. Est-ce que vous avez toujours la même, est-ce qu'il y a c'est toujours la même émotion parmi toutes ces années? Est-ce qu'il y a toujours la même émotion de rentrer dans cette salle, de faire un concert dans cette salle? Oui, tout à fait. Mais vous savez, pour moi, quelle que soit la salle, je veux dire, on peut se retrouver quand on a fait la tournée à Stand, par exemple, devant 4000 personnes. Oui. J'ai le même plaisir, la même émotion. Et c'est pareil quand j'entre dans une petite salle où il n'y a que 300-400 personnes. Oui. Parce que les gens sont là de la même manière, avec un cœur d'enfant. Il faut les emmener dans notre univers, oui, dans les chansons que... En fait, je veux que les gens se retrouvent et puissent se raconter leurs histoires. Parce que c'est ça la qualité des chansons et la rencontre qu'il y a entre une chanson et le public. Le public, oui. On a tous dans nos vies, par exemple, sur la maladie d'Alzheimer autour de nous, oui, on a tous quelqu'un qui a été atteint de cette maladie, qui nous a oubliés, oui, qu'on n'oublie pas. Et ça, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je crois que les gens ressentent ça. Et ils se racontent à eux l'histoire qu'ils ont vécue et se souviennent. Et c'est pour ça que les émotions sont partagées. Moi, j'ai vécu quelque chose. Je leur raconte à travers la chanson. Et eux, ont vécu autre chose. Oui. Mais c'est la même histoire, c'est l'histoire des hommes. Et c'est pour ça, c'est tellement magique, les chansons. Je parle des vraies chansons, des chansons qui vous racontent des histoires. Exactement, et qui vous emmènent dans des univers, d'émotions, d'émotions, de tendresse, de souvenirs, voilà. Ouais, oui, c'est ça, c'est un magnifique partage avec le public, une belle communion entre l'artiste et le public. Ah, oh, mais c'est sûr, c'est magique. Il y a tellement d'auteurs qui ont d'auteurs de romans, hein, même de polars. Il y a plein de gens de grands talents qui ont essayé d'écrire des chansons, qui n'y sont pas parvenus et qui sont émerveillés devant le talent de Ferrat, de Brel, de Lévesque, oui. De Chelon, parce qu'ils se disent « j'y arrive pas ». Et que de magnifiques chansons, je veux dire, c'est le patrimoine. Enfin, je veux dire, vous faites partie du patrimoine de la chanson française. Et ça, j'aime bien, parce que quelquefois on me dit « vous êtes un dinosaure ». Ouais, j'ai pas dit. Non, mais je veux dire, c'est vrai, quoi. Enfin, moi, là, je vais parler pour moi. Bah, je suis d'un âge, on va dire, avancé. Et je veux dire, moi, quand j'étais plus jeune, j'ouvrais mon transistor à l'époque, puis bien sûr à la télé. Ben voilà, j'attendais Isabelle Aubray et ça nous a toujours bercé. Je veux dire, c'est vrai, c'est ces belles chansons. Oui. Et puis les chansons de. Oui. C'est que quand les chansons sont bien faites et qu'elles sont bien écrites, elles n'ont pas d'âge. Oui. Elles ont une histoire, bien sûr, mais elles n'ont pas d'âge. Elles restent dans la mémoire des gens. Et ceux qui les découvrent, eh bien, les découvrent à leur façon, même s'ils ont 20 ans. On voit bien dans le public les jeunes qui viennent me voir et qui sont... Ben, qui ont été émus de la même façon que nous pour d'autres histoires et pour une autre jeunesse, pour une autre vie. Oui. Et ça fait repartir la chanson. Tout à fait. Et puis je pense aussi que c'est bon, je le dis souvent en radio, mais souvent aussi il y a les parents qui ont été là, qui nous ont aussi, comment dirais-je... Ah, ils ont passé le flambeau. Ils ont passé le flambeau, voilà, c'est ça. Ah, mais bien sûr. Ils nous ont fait écouter aussi quand on était jeunes, je veux dire, voilà. Les parents pouvaient avoir, voilà, les chansons. Et après, on a imprégné quand même, c'est vrai. Enfin, moi, je pense aussi comme ça. Je pense que, voilà, ça reste et c'est magnifique. Alors, bien sûr, c'est comme les amoureux du jazz ou de la peinture ou du théâtre ou de l'opéra. Je veux dire, c'est merveilleux de transmettre ses envies, ses émotions, son bonheur, quoi, à travers les arts, quels qu'ils soient. Bien sûr, oui, c'est du bonheur, je veux dire, aussi, quand on sort d'un concert, comme ça, quelle que soit la durée, enfin, je veux dire, c'est du bonheur, et on oublie aussi nos... Ben, vous en parliez tout à l'heure, bon, certaines maladies, des choses comme ça qui touchent. Et quand on sort d'un concert comme ça, je veux dire, pendant ce concert-là, on oublie nos soucis et c'est ça qui est formidable. Petits, grands soucis, ouais. Bien sûr. Je perçois comme ça, moi, c'est vrai que c'est... Ah, mais le spectacle, il fait pour ça. Puis je crois que ce qui est très important, en tout cas pour moi, ça a toujours été très important, que quand je sors d'un spectacle, quand je suis allée voir une pièce de théâtre, ou un tour de chant de quelqu'un, j'ai envie de... Si j'ai aimé, je me dis, si c'était bien, si c'était beau, c'est que quelque part, je suis bien et je suis beau comme le spectacle que je viens de voir. Et ça, c'est très important. Voir quelque chose de beau et le percevoir, oui. C'est être à son tour ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu, ce que l'on a perçu. D'accord. Alors, je voulais vous poser une question, Isabelle. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la jeune génération de chanteurs? Je parle français. Il y a des jolies chansons, hein. Oui. Il y a des belles chansons. Ce que je trouve, c'est que maintenant, les choses se font d'une manière tellement rapide, tellement... Oui. Tout doit marcher tout de suite. Alors, on laisse pas aux jeunes le temps d'apprendre et quelquefois, ils disparaissent avant d'avoir bien réalisé ce qu'ils avaient envie de faire. Oui, c'est vrai, sinon, c'est souvent très rapide. Il y a des disparitions intempestives quand même. Hein. Oui, oui. Non, c'est vrai. Il ouais. y a quand même des choses très, il y a des choses très jolies et des gens qui ont du talent, c'est certain. Oui, oui. Parce que il y a une certaine époque. Bon, si je reviens un peu dans les années 70, peut-être même 80, on laissait les artistes quand même s'exprimer beaucoup plus longtemps. Voilà, mais je veux dire maintenant, c'est un artiste avec une chanson, puis voilà, il passe, et puis après, pouf, comme vous disiez... Le danser, on ne leur laisse pas le temps d'apprendre. Voilà, Je pense par exemple à une petite comme Loane, Louane, qui a du talent. Hein. Ah, elle est mignonne, elle chante joliment, elle a du charme. Mm-hmm. Bon, on la propulse dans des zéniths. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait pendant 2 heures dans un zénith, vous voyez? Oui. Est-ce qu'elle a vraiment le matériel pour faire ça? Exactement, oui, je pense comme vous, oui. Bon, honnêtement, je ne l'ai pas vue. Hein. Oui, oui. Mais mmh. moi, je me demande comment elle peut tenir la scène pendant 2 heures, avec quelle chanson? Oui. Alors, bon, maintenant, vous allez me dire, bah, allez voir, vous saurez. Vous aurez raison. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais je crois qu'elle doit passer, d'ailleurs, incessamment... autour de Paris et oui. de la voir, parce que ça m'intéresse. Bien sûr. Ça m'intéresse, évidemment que ça m'intéresse. Parce que, bon, comme vous parlez de Louane, par exemple, et on pourrait en citer d'autres, je veux dire, le nom que des fois qu'un album, voire deux, et comme oui. vous dites, sur une grande scène pendant 2 heures, c'est vrai que c'est pas, ça ne doit pas être évident. Alors, je pense que souvent des artistes, comme ça, des fois, dans leur tour de chant, reprennent des chansons d'autres artistes, peut-être un petit peu pour... Tant mieux, écoutez, s'ils choisissent des bonnes chansons, moi je suis d'accord. Oui, oui bien sûr. C'est pour vivre. Hein. Je veux dire, moi, il y a 20 ans, pour un Olympia, justement, j'avais choisi de finir le spectacle avec ma plus belle histoire d'amour. Ah oui, de c'était, Juliette Gréco. Non. De Barbara. Barbara, pardon, oui, je... Barbara, ma plus belle histoire d'amour. Oui, Barbara. Je peux vous dire, c'était pour moi une grande émotion, et c'était merveilleux de chanter cette chanson, parce que c'était une belle chanson. Alors, est-ce que c'est parce que je n'avais pas assez de matériel? Non, c'est parce que j'avais un coup de foudre. Oui, et bien que, sûr. Et j'ai eu envie, voilà. Et c'est pour ça que les chansons, les belles chansons sont faites, pour voyager, pour vivre. Voilà, c'est voilà, des chansons intemporelles, hein, comme on dit. C'est, bien sûr. C'est magnifique. Et je parlais tout à l'heure des jeunes artistes voilà, qui arrivent sur la scène. Et... Alors, je me pose toujours la question... Est-ce qu'ils connaîtront, enfin, je veux dire, est-ce que les futurs, dans les futures décennies, tout ça, est-ce que les gens connaîtront, auront un patrimoine comme ça de chansons, bah, de chansons comme nous on a. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste. C'est certain que l'écriture a changé. Aujourd'hui, quand vous écoutez les chansons, elles sont écrites tellement différemment. C'est sûr que... je ne vais pas vous dire de nom parce que je ne veux pas être, oui, être désagréable. Mais si on doit faire la comparaison avec l'écriture de Brel, qui est d'une force et d'une vie extraordinaire, mais toutes les chansons de Brel n'étaient pas bonnes. Et heureusement, d'ailleurs, je veux dire, oui. on a le droit aussi de se tromper. Bien sûr. Les poèmes d'Aragon, alors là, mis en musique, que ce soit par Tonton, par Ferrat, ou par Léo Ferré, ouais. c'était magnifique, c'est une telle écriture. Alors, c'est sûr que j'ai eu cette chance, cette opportunité, et cette envie, surtout, de chanter ce style de chanson. Alors, c'est sans doute aussi pour ça que j'ai rarement été dans... Enfin, j'ai pas été... Je dis rarement, j'ai peur de dire rarement. Oui. J'ai jamais été dans les parades, dans les émissions à grande écoute et tout ça. Mais c'est un choix, finalement. Moi, ce que je voulais, c'était... uniquement de la grande qualité. Bien sûr, oui. Alors, cette écriture-là a changé. Bien sûr. Mais quand Souchon est arrivé, ça a été un bouleversement. Ah oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Pour moi, encore ça a Souchon. Été vraiment... Ah oui, un grand Souchon, d'ailleurs. Oui, oui, c'était encore des belles écritures, je pense, Souchon. Ah, oui. Et puis d'autres. Puis Cabrel, après. Et puis Cabrel, voilà. Et voilà. Goldman, et je veux dire, tous ces gens-là, c'est ce sont des gens qui écrivent très bien. Bien sûr. Mais je trouve... quand je disais jeune génération, bon, je pensais à d'autres artistes, c'est pareil, je ne veux pas non plus les nommer. Mais je veux dire, comme Cabrel, vous dites, pareil, Souchon, tout ça, ça voilà, ça c'était bien. Mais je trouve maintenant que... Alors, si on revient, par exemple, à Claude Lemel, Roland Vincent, par exemple aussi, je pense à Jean Renard, qui était un beau compositeur aussi. Bon, je ne sais pas si vous avez travaillé avec. Bon, il a beaucoup travaillé avec... Jacques de Brancard, écoutez, pensez à Jacques de Brancard. Je sais que quand il écrit La Liberté, c'est quand même une chanson extraordinaire. Oui, on va citer aussi peut-être Georges Chelon, hein, pour, avec qui vous avez sûr, Georges Chelon. Ouais. Donc, oui, c'est formidable. Là, c'est magnifique, je veux dire. Mais je trouve maintenant que c'est... Voilà, enfin, c'est moi, je trouve qu'on n'a plus de belles mélodies, on n'a plus de beaux textes, enfin... Bon, écoutez, très sincèrement, c'est une autre écriture, c'est une autre façon de s'exprimer, et c'est toujours difficile de porter un jugement positif ou négatif sur quelque chose qui nous est, enfin moi, qui m'échappe un peu. Et je reste très, je vais pas dire que je suis lâche, parce que c'est pas le terme qui convient. Je veux être prudente. Les jeunes ont besoin de s'exprimer autrement aujourd'hui, mais la vie a changé, le monde change. Le monde change, et donc, oui, bien sûr, et l'écriture change. Aragon, mais comme c'est. Ah oui, on a peut-être un petit souci. Regardez. Ah non, c'est. Oui, Isabelle, oui. Et pas pour autant se trahir. D'accord. Voilà on a... Je m'excuse, Isabelle, il y a eu un petit couac, c'est pas grave. Hein. On est en direct, il n'y a pas de problème. C'est les aléas, comme on dit. Donc je vous avais perdu un tout petit peu. Ah bon, maintenant. Non, c'est pas grave. Alors, si vous voulez bien, Isabelle, on va écouter une deuxième chanson. Oui. Qui s'intitule L'oubli. On l'écoute et puis vous nous en parlez un petit peu après. On va écouter, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, oui, d'accord. L'être qui oublie tout. Qui oublie tout, d'accord. Et nous. Voilà, on écoute. C'était un homme imaginaire, imagineur d'objets trouvés, un inventeur de faits divers, un rêveur de réalité. Il habitait en solitaire une maison du carré Saint-Louis. Deux ou trois chats, beaucoup de lumière, de temps à autre un vieil ami. Il aimait l'ordre et la douceur, et derrière ses petites manies se cachait l'idée du bonheur, sans faire de mal, sans faire de bruit. Mais dans le noir de sa mémoire s'ouvrait le troublant de l'oubli. L'oubli, l'oubli, l'oubli des mots, l'oubli des gestes, oubli de tout ce temps qui reste, prisonnier de ce funeste oubli. Aimé une femme, mais c'était il y a très longtemps. Plutôt que d'y laisser son âme, il avait viré comme le vent. Maintenant les garçons de passage lui dérobèrent des bouts de sa vie. Ils dessinaient leur doux visage, heureux partaient sans dire merci. Ils notaient tout dans un carnet, le nom des gens, l'odeur des choses. Et quand le vent virait morose, pour se souvenir, il relisait. Mais il voyait entre les lignes grandir le troublant de l'oubli. L'oubli, l'oubli, l'oubli des mots, l'oubli des gestes, oubli de tout ce temps qui reste, prisonnier de ce funeste. Un jour, rentrant du café, où chaque matin venait s'asseoir, par le troublant de sa mémoire. Il sentit sa vie s'en aller. Il écrivit comme à l'école son nom en lettres détachées. Puis il épingla sous le col de son manteau de bout de papier. Dans l'eau glacée du Saint-Laurent, il revit couler son enfance et offrit son corps en silence aux démons qui suivent le courant. Je chante pour ne pas qu'il meure, je chante pour tuer l'oubli. Ce temps qui reste prisonnier de ce funeste oubli. Oublie les mots, oublie les gestes, oublie de tout ce temps qui reste prisonnier de ce funeste oubli. Vous êtes sur le 107 FM Radio Guémozo et cet après-midi avec nous, Madame Isabelle Aubray. Voilà Isabelle, on vient d'écouter L'oubli. Oui, voilà, donc, c'est vraiment une très belle chanson. Oui, bien sûr, oui, très belle chanson. Oui. C'est un Québécois. Pardon. C'est la chanson d'un Québécois. C'est la chanson d'un Québécois, d'accord. Oui, c'est un Québécois qui a écrit ça, c'est Christophe Isard. C'est Michel, j'ai vu, oui, j'ai noté Michel Rivard. Michel Rivard, d'accord, très belle chanson. Donc voilà, oui. qui touche, comme vous disiez tout à l'heure en début d'émission, hein, forcément, qui touche, bah, bien sûr, c'est terrible ces choses-là pour la personne et pour l'entourage. Oui, bien et sûr. D'ailleurs, souvent, j'aime bien, après avoir chanté ça, dire le texte de Claude Lemel. C'est vrai que il y a des moments difficiles dans la vie. Oui. Il a écrit un texte magnifique qui dit « Voir à sa fenêtre chaque jour nouveau, conjuguer, renaître derrière le rideau. Oui. » Et j'aime bien enchaîner ça parce que c'est vrai, on vit des choses difficiles. La vie est dure et pour chacun d'entre nous, la vie est dure. Mais il y a tellement de choses jolies à voir et à retenir. Et ça, je trouve que c'est important. Et d'ailleurs, c'est très, très... enfin, c'est pas très curieux, d'ailleurs, mais quand souvent, les gens me disent, à la fin du tour, ça, j'aime bien faire les dédicaces, discuter avec les gens, récupérer un peu l'énergie que j'ai donnée. Bien sûr. Oui. Et les gens me disent souvent, c'est incroyable ce que vous nous donnez, vous nous donnez le moral. Donc, vous voyez, je peux leur raconter des histoires tristes, mais quand même, je leur dis des choses souriantes et positives. Bien sûr. Alors, je voulais dire, Isabelle, alors bon, sans parler de... Enfin, je ne veux pas parler de la maladie d'Alzheimer, enfin, on en a parlé, mais je veux dire, je vous ai vu sur scène. Donc, bon, c'est une petite question, ce n'est pas pertinent, mais je veux dire, vous chantez, je veux dire, mais vous, est-ce que vous avez un prompteur ? Oh mon Dieu, jamais de la vie. Jamais, hein ? Oui, non, mais je n'ai jamais vu. Jamais. Non, non. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Oui, d'accord. Non, mais c'est... Même quand je passe à la télé, on me demande, vous voulez un prompteur, oui, oui. Vous plaisantez. Et je suis toujours étonnée qu'on me pose cette question. Moi, j'ai un tour de 33 chansons. Et non, pas du tout. Oui, oui. D'accord, non, mais c'est admirable. Je veux dire, c'est vrai que, parce que, bon, voilà. Alors, j'avais vu, je crois, une émission de la télé. Je crois que vous chantez tous les jours. Ah oui, tout à fait. Hein, c'est... Tous les jours. Tous les jours, hein, oui, oui. Je m'enferme dans mon studio, oui. Et voilà, et je chante, et c'est absolument pas une corvée, c'est un vrai travail, et c'est, pour moi, c'est essentiel, vraiment. Bien sûr, oui. C'est bon pour le souffle, et d'abord, quelquefois, j'ai pas du tout envie, mais au bout de, je sais pas, trois chansons, quatre chansons, ça y est, mon moral remonte, j'avance, je chante, je suis faite pour ça, quoi, voilà. Bien sûr. Puis tout cela se reporte sur scène, parce que, bon, à vous voir, je veux dire, vous êtes rayonnante, vous avez un sourire, je veux dire, franchement, c'est du soleil, et plus, bien sûr, non, mais c'est très sincère, et je dirais... C'est ce que j'aime, hein, c'est aussi simple que ça. Bah oui, voilà. Alors, Isabelle, on va venir un petit peu sur votre biographie, mais enfin sur quelques dates. Hein, on va pas. Ah ben non, parce que ce serait trop long. Ça serait trop long. Avec sa vie. Dans, oui, bien dans sûr. 20 mois, comme presque aujourd'hui, hein, le 27 juillet, je vais avoir 80 ans. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Bien sûr. Et des belles. Et des drôles, oui. Et des incroyables, et des douloureuses, comme tout le monde. Comme tout le monde, bien sûr. Alors, donc, voilà. Vous êtes du mois de juillet. Moi, ouais. je suis du mois de juillet aussi. Ah. Alors, je nous pense sommes qu'on... des lions. Ah, alors, bah, vous êtes peut-être lion, parce que vous êtes fin juillet, je pense, hein, c'est ça c'est... Fin juillet. Moi, je suis du 15 juillet, et je suis cancer. Voilà. Ah, d'accord. Ah, ben voilà. Bah, c'est des bons... C'est des bons signes. Alors voilà, Isabelle, je voulais donc donner quelques dates comme ça. Donc, alors je voulais dire, bon, vous êtes née à Lille, hein. Vous êtes née à Lille, voilà. Donc vous faites de la gym. Hein, vous allez être championne de France catégorie cadette, voilà, en cours de danse et d'art dramatique. Ça, c'était une première passion, Isabelle. Oui, la danse classique et le théâtre, oui, bien sûr. Oui. J'ai commencé comme ça, oui. Ben, c'est-à-dire que le souci, c'est que j'étais obligée, entre guillemets, disons que nous étions une famille de 11 enfants, oui. on n'était pas riches, et donc j'ai dû travailler très jeune, donc je travaillais dans une usine de filature, et je prenais mes cours le soir, je prenais des cours de danse classique, alors ça c'était très difficile, parce qu'arriver, après avoir, à l'époque c'était 9 heures d'usine par jour, j'arrivais au cours de danse, je vais vous dire, mes pieds n'étaient pas dans un état pour rentrer dans les chaussons. Oui. Alors là, la première demi-heure, c'était l'horreur. D'accord. Ah oui, c'est sûr, après le travail, ça ne devait pas être évident, bien sûr. Non, puis j'allais au conservatoire et j'avais un professeur d'art dramatique qui était assez merveilleux. Il s'appelait Maître Cotinet. Je me souviens de lui toujours avec beaucoup de tendresse. Mmh. Et je crois qu'il aimait bien cet enfant que j'étais, finalement. Et c'est lui qui m'a fait travailler pour la première fois un texte de Louis Aragon. D'accord. Il m'avait fait apprendre Il n'y a pas d'amour heureux. D'accord, ouais. Alors imaginez pour moi ce que c'est de dire ce texte de Claude Lemaitre, qui est un hommage à Aragon. À Aragon, justement. Bien sûr. Oui. Ouais. Qui s'appelle Le boulevard Aragon. D'accord. C'est un poème magnifique. Ouais. Alors ensuite, Isabelle, donc en 1960, donc, vous remportez un concours de chant à l'Olympia. Oui. Et vous êtes remarqué par Bruno Cocatrix. Voilà. C'est-à-dire, je gagne le concours. Oui. Donc, alors, forcément, il me remarque. Oui. Mais en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'il ne va pas se passer quelque chose d'important à ce moment-là avec Bruno Cocatrix. Je gagne le concours et ensuite, je vais dans un cabaret où travaillait mon frère. Et mon frère était violoniste. D'accord. Saxophoniste, enfin il faisait beaucoup de choses. Oui. Et il travaillait dans un club à Paris qui s'appelait le 50-50, mais dans lequel d'ailleurs il jouait beaucoup de jazz. Et moi je venais du Havre, puisque je venais de passer quelques mois, 22 mois au Havre, où là j'avais appris à chanter. Alors je chantais les standards et les grands succès du jour. Alors je chantais en italien, espagnol, anglais, évidemment, tout ça à l'époque un peu en yaourt. D'accord. Et je suis allée voir mon frère et puis je me suis aperçue qu'il jouait les mêmes choses que moi. Donc je me suis installée avec lui à l'orchestre et j'ai chanté avec lui. Et il était évidemment stupéfait, il ne savait pas du tout ce que je chantais à l'orchestre à l'autre bout de la France. Et j'ai été engagée immédiatement par le patron qui a dit, mais il a dit à mon frère, mais tu m'avais pas dit que ta sœur chantait comme ça. Et mon frère, avec son bon accent du Nord, lui a répondu, moi je ne le savais pas. D'accord. Voilà. Et donc je suis restée, j'ai été engagée, voilà. C'est très bien. Et ensuite, j'ai auditionné devant Monsieur Jacques Canetti. Canetti, oui, d'accord, je sais voilà, ce que je disais. Voilà, au Théâtre des Trois Baudets. Et ça a été la première rencontre avec Gérard Metz. D'accord. Qui a été évidemment par la suite extrêmement important, puisque Gérard était déjà le compagnon de route de Jean Ferrat. Oui. Il s'occupait de Jean Ferrat débutant. D'accord. Et à l'époque, Ferrat avait enregistré seulement, je ne sais pas s'il l'avait déjà enregistré d'ailleurs, mais sensiblement à ce moment-là, il avait enregistré Ma Môme. D'accord, ok. Qui commençait un peu à marcher. Vous voyez, Alors, j'ai fait un raccourci. Hein, donc. Oui, oui, oui. Alors, donc, suite à ça, donc, vous faites un premier 45 tours. Hein. Oui. Hein, voilà. Après, on passe en 1962. Vous avec remportez le concours. Oui, du coup, le Grand Prix de l'Eurovision. Oui. Donc, avec ce titre, un premier amour. Un premier amour. Donc, oui. Là, vous concouriez pour la France, bien sûr. Ah oui, bien au concours, sûr. Bien sûr, oui. Non, non, mais parce que des fois, il y avait des. Alors, on a vu des. Enfin, il y avait des chanteuses qui concuraient pour. Enfin, je veux dire, pour le Luxembourg ou. Oui, bon, pour Monaco. Pour enfin, voilà. Enfin, on est quand même assez proche hein, de tout ça. Oui. Oui, oui. Ce ne sont pas les grosses frontières. Justement, alors, le concours Eurovision, ça me fait toujours un petit peu, je dirais, rebondir, enfin, voilà. Je reviens un petit peu de ce qu'on voit maintenant à l'Eurovision. C'est pareil, je vous demanderai quelle est votre impression sur ces... Sur, bah écoutez, c'est... Depuis c'est tout, enfin, les années... Que, oui. Que ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Le monde change, les oui, c'est vrai, sont ouais, différentes. Oui, oui. C'est évident que maintenant, la langue qui devient la plus... universel entre guillemets, c'est l'anglais, l'anglais ouais. Avec l'espagnol bien sûr, oui. Mais les gens ont envie de se faire comprendre quand même. Bien sûr. Alors bien sûr qu'on le regrette, c'est plus un concours d'Eurovision, c'est même pas un concours de chansons, c'est un beau spectacle et il faut le prendre comme ça. Oui. Alors, c'est vrai que c'est beau. Oui, oui. Et cette année, je trouve que c'était pas mal, d'ailleurs, dans l'ensemble. Mais vous savez, c'est comme la compétition. En ce moment, on parle beaucoup de football. Finalement, oui. Ce sont des nations qui se rencontrent. Alors, elles parlent toutes le même langage. Elles parlent coup de pied, ballon. Voilà. Eh bien, l'Eurovision, ça parle chanson, musique, avec une autre façon de participer. Oui, bien sûr, oui, oui. Puis comme vous alors, disiez... C'est vrai que c'était beau et que c'était touchant, ces pays qui arrivaient, mais et qui chantaient dans leur langue, bon, oui, mais voilà. Bien sûr, ils chantaient dans leur langue, mais avaient-ils une chance d'être élus? Oui, et souvent, on a vu des gagnants de l'Eurovision, pas tous, oui. Mais quelques gagnants de l'Eurovision, après, qui ont disparu, quoi. Ah oh ben, bien sûr. Hein, il y en a qui sont restés, quand même. Les trois quarts ont disparu. Oui. Ben, bien sûr, voilà. Non, mais bien sûr, c'est une soirée. C'est une soirée festive, c'est voilà, faut prendre ça comme voilà, comme une belle fête à la chanson. Voilà. Et c'est la chanson internationale. Bien sûr. C'est plus européen maintenant, hein, puisque oui. il y a eu l'Australie cette année. Mais tant mieux ouais. Que ce soit. Moi, je suis pour la chanson. C'est, je crois, c'est le moyen de communication le plus populaire, le plus sincère, le plus émouvant, le plus facile à comprendre pour chacun d'entre nous. Vive, mais vraiment, je suis sincère. Moi, je vais pas vous dire que j'ai fini, parce que de le dire, ça me mettrait des larmes aux yeux. Oui, oui, je comprends mais bien. je suis enthousiaste. C'est magnifique, la communication de la musique. Alors, honnêtement... C'est universel, c'est vraiment formidable. Voilà. On n'a pas besoin de se comprendre. On chante la même chanson. Alors, vous la chantez en anglais, yaourt, c'est bien. Vous la chantez en vrai anglais, tant mieux. Et vous la chantez en français, c'est magnifique. Oui. Et, je veux dire, c'est un tel moyen de communication. Les gens s'enlacent avec de la chanson. Ils se regardent dans les yeux. Ils partagent des émotions. Bien sûr, ouais. Bon, c'est vrai, je suis un peu excessive, mais je pense tellement ce que je dis. Mais à travers tout ça, bon. Ça n'empêche pas oui. L'importance des mots. Par exemple, j'aimerais que vous me posiez une question, à savoir, comment vous savez-vous qu'une chanson va vous toucher et va être sur votre album? Voilà. Oui. Alors, vous m'avez posé la question, oui. Et je vous réponds. D'accord. Merci Isabelle. Voilà. Je vous réponds. D'accord. Au conservatoire, mon oui. professeur de dramatique, ce fameux monsieur Cotinet, quand il n'était pas de bonne humeur, il nous faisait réciter la Marseillaise. Ah. Je peux vous dire, c'est un exercice incroyable. Essayez, vous verrez. Et donc, quand je reçois une chanson, eh bien, je la propulse de cette façon. Et quelquefois, ça gomme la musique. Par exemple, « Il faut vivre », le texte de Lemel. Oui. C'est un texte magnifique. Et je n'ai pas... Alors, je, sur le disque, je n'ai pas gommé la musique. Elle est là, en fond, et elle est très jolie. Mais les mots chantent tellement, ils sont tellement forts, tellement simples, ça atteint tout le monde. Oui. C'est, et, ben, ah, voilà, c'est comme ça que je reçois une chanson. Eh bien, justement. Quand les mots passent. Excusez-moi, Isabelle, je vous ai coupé peut-être, excusez-moi. Non. Donc, justement, là, on va entendre ce beau texte de Claude Lemel. Ah, il est magnifique. Puis de Christian, enfin, sur la Piget, hein, voilà. Donc, ce beau texte donc, sur Il faut vivre. On écoute. D'accord. Il faut vivre, l'azur au-dessus. Comme un glaive prêt à trancher le fil qui nous retient debout. Il faut vivre partout, dans la boue et le rêve, en aimant à la fois et le rêve et la boue. Il faut se dépêcher d'adorer ce qui passe, un film à la télé, un regard dans la cour, un cœur fragile et nu sous une carapace, une allure de fille éphémère qui court. Je veux la chair joyeuse et qui lit tous les livres, du poète au polar, de la Bible à Vermeaux, m'endormir presque à jeun et me réveiller ivre, avoir le premier geste et pas le dernier mot. Étouffer d'émotions, de désir, de musique, écouter le silence, Mozart chante encore, avoir une mémoire hypocrite, amnésique, réfractaire au regret, indulgente au remords. Il faut vivre, il faut peindre avec ou sans palette, et sculpter dans le marbre effrayant du destin les ailes mortes du moulin de la galette, la robe de mariée où s'endort la putain. Il faut voir Dieu descendre une ruelle morne en sifflotant un air de rancune et d'espoir. Et le diable rêvait en aiguisant ses cornes que la lumière prend sa source dans le noir. Football, amour, alcool, gloire, frisson, tendresse, je prends tout pêle-mêle et je suis bien partout, au milieu des dockers, dans la mare et l'adresse, dans la fête tzigane et le rire bantou. On n'a jamais le temps. Le temps nous a. Il traîne comme un fleuve de plaine aux méandres moqueurs. Mais on y trouve un lit et des chants de sirènes et un songe accroché au pas du remorqueur. Jamais ce qui éteint, jamais ce qui dégoûte. Toujours, toujours, toujours ce qui fait avancer. Il faut boire ses jours un à un, goutte à goutte, et ne trouver de l'or que pour le dépenser. Qu'on s'appelle Suzanne, Henri, Serge, ou que sais-je, qui d'âme évanescent, anonyme paumé, il faut croire au soleil en adorant la neige et chercher le plus que parfait du verbe, aimer. Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, donner à perte d'âme, éclater de passion, pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête. Quelque chose a changé pendant que nous passions. Et voilà, Isabelle, c'est un très beau texte, là, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai que... Bon, je le répète, hein, mais quand on était dans la salle avec vous, je veux dire, voilà, on avait des frissons et... Il y a quelques petites larmes. Rassurez-vous, j'en ai aussi. C'est oui, évident. C'est évident. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut, vous voyez, entre l'Olympia, l'oubli et il faut vivre, on peut mélanger tous les sujets. Et c'est le, comment dirais-je, le privilège de l'interprète. C'est qu'à travers tous les auteurs, en l'occurrence, en, pour ce qui me concerne, vous rendez compte, en partant de Ferrat, Brel, Aragon, oui. Lemel, tous ces artistes qui sont autour de moi, Jacques de Broca, Chelon, ce sont des caractères, des écritures différentes, ce sont des histoires différentes. Et quand, quand Chelon m'a fait entendre la Belle Endormie... La Belle Endormie, oui. Oui, j'ai trouvé que c'était... C'était parler du sujet des attentats avec tellement de pudeur, de délicatesse, que je dis là tout de suite, là, je pars, j'y vais. Oui, oui, je l'apprends. Ah oui, oui. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chansons, hein, qui ont été faites pour les attentats. Bon, malheureusement, voilà, on vit dans un monde, voilà, c'est pas toujours facile. Mais là, comme vous disiez, sur le texte de Georges Chelon, qui est un grand artiste et auteur. Un grand auteur, voilà, ouais. C'est un beau texte. On le perçoit autrement. D'autres chansons qui ont été faites sur les attentats, bon, bien sûr, voilà. Mais ça, c'est. Et il n'y a pas l'horreur, surtout. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait, effectivement. Ouais. Voilà. Ils ont fait leur chemin, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, ils avaient le droit de dessiner ce qu'ils voulaient, et aujourd'hui, ils sont là-haut. Eh bien, je trouve que cette façon de l'écrire, c'était magnifique. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu. On va l'écouter. Comment ? Ah oui, on va l'écouter, Isabelle, bien sûr. L'écouter pendant qu'on en a parlé, parce que comme ça veut dire quelque chose. D'accord, écoutez, on l'écoute tout de suite. D'accord. Donc, La Belle Endormie, hein, c'est bien ça. Ça s'appelle La Belle Endormie. La Belle Endormie, voilà. Ils sont assis au pied d'Allah, au pied de Dieu, de Yahvé, de Bouddha. Ceux qui voulaient les faire taire à jamais leur ont offert un coin d'éternité. Ils sont assis au pied des dieux, ces dieux dont ils se sont moqués. Je crois qu'ils en ont ri aussi. On rit de tout au paradis. Je veux rire sur terre comme au ciel, de tout, de rien et dire je pense, même si ça n'a pas d'importance, même si cela ne sert à rien. Je veux sur la terre comme au ciel croire qu'une main, même païenne, peut briser les fers et les chaînes avec pour cela un dessin. On doit pouvoir, quoi qu'il advienne, on doit pouvoir dire que l'on s'aime. Ils sont assis au pied d'Allah, au pied de Dieu, de Yahvé, de Bouddha. Ceux qui voulaient la faire taire à tout prix ont réveillé notre belle endormie. Je veux sur la terre comme au ciel me moquer des grands de ce monde, jurer que la terre n'est pas ronde, quoi qu'en dise l'Emmanuel. Je veux courir, boire et chanter, aimer qui est quoi, bon me semble. Je veux que les gens se rassemblent afin de ne pas oublier. Je veux pouvoir, quoi qu'il advienne, de pouvoir dire je t'aime. Ils sont assis au pied d'Allah, au pied de Dieu, de Yahvé, de Bouddha. Depuis ce triste mercredi, là-haut, tout le monde est Charlie. Voilà, La Belle Endormie. Ouais, belle voilà. Chanson. Vraiment. Belle chanson, oui, c'est vrai. Et comme vous disiez, s'il n'y a pas de... On ne sent pas de, comment je veux dire, de... Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère, voilà, il n'y a pas de pas d'agressivité, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, ça... Laissez-nous libres, ouais, voilà. Et le final est beau, voilà. Et puis, c'est le talent de Chelon. Le talent de Chelon et votre talent, Isabelle, aussi sur l'interprétation, bien sûr. Il faut le dire, merci. Mais je suis fière de chanter des auteurs comme ça, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la magie de la chanson qui parle de tout et qui est positive. Voilà. Oui. Alors, si vous voulez bien, on va refaire un petit retour, on va faire un petit peu flashback, on va revenir un petit peu sur la bio, mais vous savez, j'ai pas grande. grand talent, enfin je veux dire grand talent parce qu'en fait pour la bio j'ai pris quelques petites notes, vous savez, sur le petit livret qu'on avait eu donc au concert en Alsace. Ah oui, d'accord. Voilà, non mais je trouvais que c'était bien résumé, voilà, et on pouvait faire assez rapidement si vous voulez, parce que c'est vrai, il faut qu'on écoute encore quelques chansons, hein. Oui. Voilà, donc alors, en 1963, donc, vous partagez la scène de l'ABC avec Sacha Distel. Oui, Sacha en 63 Distel. Ouais, je... Oh, non. Je... non, c'est pas en 63. Oh, non, alors, 63, ça, c'est... Non. Non, c'est pas en 63. Non. Bon, il y a une erreur là de... c'est... Non, mais... c'est pas grave. Oui, mais non, j'ai dû le faire, mais plutôt que ça. Plutôt que ça, oui. D'accord. Oui. Donc, Sacha Distel aussi, qui était un grand, j'irais, jazzman, enfin, qui... Oui, oui, avec, c'était avec... un... Et un très gentil garçon, en plus. Oui, vraiment. Oui, donc. Et puis, oui. C'était son... comment, Réventura. Oui. Qui était donc son... Son oncle. Son oncle, hein, c'est ça, voilà. Oh, voilà. Mmh, oui. Voilà. Alors, après, on parle un petit peu aussi de cinéma. Vous êtes pressenti pour le premier rôle dans le film Les Parapluies de Cherbourg. Après, oui. Bon, là, c'est un peu plus triste pour vous, puisqu'il y a un accident de voiture, hein, qui vous écarte de la scène. Voilà, donc... C'est Catherine qui a le rôle, elle est très belle, elle le fait très bien, et c'est une belle aventure pour elle. Oui. Et moi, je vis autre chose, d'autres aventures. Bien et, sûr, oui. Oui, vous savez, c'est que quelquefois, les gens prennent un petit air un peu triste pour raconter ça. En fait, bien sûr, quand on a 20 ans, qu'on est défiguré et en 1000 morceaux, oui. C'est pas très agréable. Hein, vous imaginez, c'est pas très agréable. Bien sûr. Mais... on apprend beaucoup d'abord de soi. Oui. On apprend des autres. On apprend l'amour. Incroyablement, j'ai senti une telle tendresse du public, j'en suis restée bouleversée. Et je peux vous dire que j'étais bien décidée, très très jeune, à me faire que comment dirais-je, de la qualité, voilà. Oui. Je voulais que mes copines d'usine, c'est puéril ce que je vous dis, mais ça fait rien, je suis comme je suis. Je voulais que mes copines d'usine soient fières de moi, qu'elles sentent que je les représentais d'une manière, comment dirais-je, qualitative. D'accord, voilà. Voilà, oui, c'est ce que je voulais un peu dire, donc ouais, voilà, et des choses de qualité, et après, dans la durée, vous êtes toujours là, quoi, voilà, hein, c'est... Oui, bien sûr, mais si vous voulez, l'accident m'a encore plus confortée dans ce désir de ne faire que des choses jolies pour que les gens se retrouvent eux-mêmes à travers les poètes. À travers les poètes, voilà. Voilà. Donc, vous faites aussi une première partie avec Salvatore Adamo, c'est, voilà. Et puis ensuite, vous rejoignez le label donc, de Gérard Armé. Hein, c'est bien ça. Oui, Metz. Hein. Metz, pardon, excusez-moi. Metz, oui, Metz, pardon. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Et puis donc, voilà, de nombreuses tournées dans les années 70, hein, oui, dans oui. Le monde entier, et puis l'enregistrement d'autres albums. Alors, j'avais une autre question, Isabelle, par rapport à la tournée Âge tendre. Oui. Oui, donc, je veux dire, vous avez accepté tout de suite... de faire partie de cette tournée, je veux dire... au départ, j'ai été très surprise. Oui. Parce que l'émission Âge tendre et tête de bois, c'était à Berresner, etc. Voilà, hein, oui, tout à fait. Ouais. Claude François, Sheila... Sheila, oui, toute l'époque yéyé, on va dire. Ah oui, puis alors, je peux vous dire, je n'ai jamais fait une fois cette émission. Oui. J'ai jamais été invitée. D'accord. Donc, quand on m'a proposé ça, j'ai pensé qu'il s'était trompé. Oui. Et je me suis dit, mais bon, mais pourquoi pas, je vais faire connaissance, moi au contraire, j'ai rencontré Sheila, là cette année, c'était Dick Rivers. Oui, Dick Rivers, oui. Qui sont loin de mon univers. De votre univers, tout à fait. Et c'est magnifique. Bien sûr. C'est magnifique parce que, écoutez, on a tous, au bout de tant d'années, vous imaginez bien, on a tous le même amour pour le métier, le même trac, les mêmes angoisses, les mêmes émotions. Ah oui. Et je me suis, écoutez, franchement, je me suis entendue très bien et avec tout le monde. Bien sûr, oui. Ah oui, vraiment, ça a été un vrai bonheur. Je suis très contente de l'avoir fait. Ben, c'est très bien, moi je parle encore de moi, mais je dis, bon, j'étais présent aussi, je suis venu voir la tournée Âge tendre, donc oui. Voilà, avec tous ces artistes-là. Et je veux dire, bon, ben, vous, même si vous ne faisiez pas partie, je veux dire, de certains univers d'artistes qui étaient là, mais je veux dire, vous avez conquis le public quand même. Hein. Oui, mais c'est toujours de la chanson. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est une autre chanson. Je veux dire, Stone arrive sur scène. Ouais. Je veux dire, Stone, elle n'a pas d'âge, d'ailleurs, vous la voyez, elle n'a pas bougé, c'est la même. Ah oui, c'est l'énergie aussi, hein, Stone. C'est l'énergie, elle est charmante dans la vie, c'est une fille vraiment charmante. Oui. Elle n'a jamais bien chanté. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben oui, oui, c'est vrai, mais c'est une chanson populaire. Ah, voilà, tout à fait. Tout le monde chante avec elle. Ah, oui. Les gens sont heureux, qu'est-ce qu'on demande de plus? Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis comme je disais tout à l'heure, on repart, on est heureux, quoi. Je veux dire, on repart après ça, le spectacle, on est heureux, quoi. Je veux dire, on a passé un bon moment, on est un petit peu reparti un petit peu dans nos souvenirs aussi, c'est vrai, dans nos souvenirs, un petit peu de nostalgie peut-être, je sais pas. Oui, et puis voilà, c'est magnifique. Positive en même temps. Bien sûr. On y fait. Oui. Allô? Oui, ah oui, pardon. Oui Isabelle, oui, on est toujours là. Oui. D'accord. Alors moi j'aimerais bien, si vous voulez, Isabelle, qu'on écoute donc une chanson, bien sûr. Oui. Et moi j'aurais bien aimé qu'on écoute C'est beau la vie. Ah non. Non. On n'est pas dans l'ordre là. Ah c'est pas. Non, je sais. Mais je voulais. Isabelle, je voulais un petit peu bouleverser l'ordre parce que. Si vous me le permettez. Non, parce que bon, il est 17h01 et je dis toujours, c'est vrai, ça passe toujours vite, 1h30, quand on a des beaux échanges comme ça, en radio. Alors, je ne sais pas si vous me permettez, est-ce qu'on peut passer. Mais après, C'est beau la vie. Bah, allez-y pour C'est beau la vie. On y va pour C'est beau la vie. Mais bien sûr. D'accord, ça nous permettra de parler de Jean aussi, bien sûr. On écoute. Oui, merci Isabelle. Le vent dans mes cheveux blonds. Le soleil, l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vide, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit. Dans une rue de Paris, que c'est beau, c'est beau. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire, le chanter. Oui, c'est beau. La vie. Voilà Isabelle, c'est beau la vie. Merci. Je veux dire, excusez-moi d'avoir un petit peu. Non, mais je vous en prie, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Non, mais je suivais, mais bon, je. Et puis, comme je vous disais, je regarde le temps, hein, on gère le temps. J'ai peur que, voilà, puis j'adore cette chanson-là aussi, que vous interprétez, et puis bien sûr que Jean Ferrat a interprété. Alors, juste avant, j'ai un petit bonjour d'Italie. Ah! C'est, oui, c'est parce qu'on s'exporte, nous, hein, sur Radio Gamozo. On écoutait un petit peu. Avec, c'est vrai qu'avec les systèmes techniques, maintenant, avec le web et tout, on écoutait sur le web. Donc, c'est Nadine Maria qui me met, Isabelle nous met du baume dans le cœur. Voilà, je vous transmets. C'est magnifique. Nadine Maria qui nous écoute en Italie. Ah, ben, je l'embrasse. Voilà. Donc voilà, c'est très belle chanson, Isabelle, pardon, c'est beau la vie. Hein, donc voilà, c'est. Donc ça, c'était. Alors c'est à quel moment ça, moi j'ai peut-être ça sur votre bureau, mais c'est à quel moment vous rencontrez Jean Ferrat, que vous appelez tonton, hein, bien sûr. Jean Ferrat, je le rencontre grâce à Deux Enfants au Soleil. Oui. Bien sûr, oui. Parce que Gérard, donc, il travaillait déjà avec lui, ce que je vous ai expliqué. Gérard Metz, oui. Travaillait donc déjà avec Ferrat, et Ferrat avait enregistré Deux Enfants au Soleil, mais on ne sait pas pourquoi. Allô ? Oui. On ne sait pas pourquoi, par lui, ça n'a pas marché à la radio. D'accord. Donc, je l'ai enregistré après lui, au moins un an après, parce que c'était, il y avait eu Deux Enfants au Soleil. Bon, oui. Donc, je dis à Gérard, d'accord, écoutez, vous me l'avez fait entendre, et je vous le dirai. Et ça a été un succès vraiment extraordinaire. On est resté des semaines et des semaines, c'est la seule fois, je crois, d'ailleurs. Non, il ne faut pas dire ça. Oui, parade. Pardon. Et oui, ça a été un énorme succès, mais je ne peux pas dire que j'ai rencontré Ferrat à ce moment-là. D'accord. Je l'ai rencontré, entre guillemets, beaucoup plus tard. Parce que, bien sûr, comme je travaillais avec Gérard, je rencontrais Jean, mais Jean était déjà beaucoup, surtout en tournée. En tournée, d'accord. Donc c'était pratiquement impossible de se rencontrer. Et je l'ai rencontré en allant dans l'Ardèche, en chantant ses chansons, et peu à peu, il lui a fallu du temps. Autant ça a été vite avec Brel, qui m'a pris sous son aile tout de suite, comme un petit mec. Il m'a pris son petit mec. Voilà. C'est gentil. Ferrat, il a été plus... Je crois que ma spontanéité, je vais pas dire ma joie de vivre, mais si, quelque part... Si, ben si, oui, je pense, ouais. Tout ça, c'est un... J'avais l'air d'être un peu un chien fou à côté. je me comparais parfois, vous savez, à ces petits griffons rigolos, mignons, oui. Qui tournent comme ça. Et lui, c'était le gros berger allemand. Oui, bien sûr. Voilà, c'était un peu ça, nos relations. Et puis un jour, il a invité ma petite mère à dîner chez lui. Et écoutez, je crois qu'on n'a jamais autant ri. Ma petite mère, c'était vraiment une princesse. Et... Elle était drôle, elle était attendrissante, elle était... C'était maman. Oui. Et je crois que ce jour-là, tonton n'a jamais autant ri. Il a ri, il s'est amusé, il a été étonné, il a découvert. Et vraiment, j'ai senti que ce jour-là, il s'est dit, ben, j'ai compris maintenant, Isabelle est comme ça parce qu'elle est comme ça. D'accord. Là, c'était l'instant, on va dire, déclencheur, enfin, le moment, hein, ce beau moment-là. Ah, ça a été un instant magique. Un instant magique, ouais. Pour vous donner une idée, un jour, j'étais allée voir l'Olympia et tout allait bien. Bon, il avait triomphé, bien sûr, je vais le voir dans sa loge, tout va bien. Et le lendemain, il téléphone à Gérard, il discute de travail et tout ça, et... Il demande de mes nouvelles et Gérard, elle s'est fait opérer aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Mais il me dit, elle m'a rien dit. Oh non, elle ne voulait pas te parcasser avec ça. Donc, à partir de ce moment-là, chaque fois que je l'appelais, il me disait, comment vas-tu Isabelle? Oh, je disais, très bien tonton. Oui. Et il me disait, Isabelle, c'est Jean, comment tu vas? Et ça changeait tout. D'accord, je comprends. Voilà. Il y avait la tendresse. En oui, c'est ce que j'allais dire, hein, ce petit nom, tonton, enfin, je veux dire, voilà, c'était très, très tendre, enfin, c'était très... Ah oui, je trouvais que Jean, ça lui allait pas. Moi, et puis Jean, ça, voilà, c'était peut-être plus... plus... Je le voyais s'appeler Richard. Oui. Vous le voyez, Gabriel, voilà. Oui, ouais, d'accord. Il s'appelait Jean. Je pense que là, vous avez vécu, c'était des moments formidables, hein, oui, donc oui. De belles rencontres. On a vécu des moments magiques, parce que quand il faisait des nouvelles chansons, on se retrouvait oui. Avec le feu de bois, lui et sa guitare. Oui. Et on écoutait toutes les nouvelles chansons qu'il allait interpréter quelques mois plus tard. C'était oui, oui. magnifique. Bien sûr, c'était oui, des jolis souvenirs, bien sûr. J'ai toujours cette chanson de. Enfin, bien sûr, il y en a eu plein de Jean Ferrat, mais je veux dire, La Montagne, par exemple, c'est. Hop, mince. Bon, alors, voilà, un petit souci technique. Ouais. Est-ce qu'on passe une musique, peut-être, Marc, s'il te plaît, merci. On va passer donc là. Allons enfants. Et puis, voilà, merci. J'écoute à la radio les nouvelles du monde. Notre terre, les enfants, hélas, est moribonde. Et je doute que ceux qui sont à son chevet aient vraiment l'intention de vouloir la sauver. Préparez les vaisseaux, il vous faudra peut-être, comme l'oiseau, son nid, quitter cette planète. Ce qui fut le berceau dès lors ne sera plus qu'un morceau de rocher infiniment perdu. Allons enfants du nouveau monde, les jours d'espoir sont droit devant. Quelque part dans le ciel, une terre féconde attend. Elle va faire de enfants. Alors protégez-la, ne refaites pas comme avant. Pour ce nouveau départ, est-il bien nécessaire de faire renaître un dieu qui suscite les guerres? Pour peu que cette terre soit déjà habitée, évitez de leur mettre une croix sous le nez. Et puis n'inventez rien, au diable les conquêtes. Là, laissez-vous porter au gré des découvertes. Nous n'en serions pas là, qu'en sera-t-il de vous? Sans la poudre à canon, sans la roue. Allons enfants du nouveau monde. Quelque part dans le ciel, une terre vous attend. Depuis la première seconde du temps, elle va faire de vous ses hommes. Elle deviendra votre jardin. Alors prenez-en soin, on peut la détruire comme à rien. Encore un petit mot, veillez aux différences. Dans l'uniformité, la vie a peu de chance. Vous êtes lourd d'espoir et de rêves brisés. Et le chemin est long jusqu'à l'éternité. Allons enfants du nouveau monde. Voilà, Isabelle. Oui. Oui, voilà, il y a eu un petit souci technique. Enfin, technique, je ne sais pas, il s'est passé, bon, c'est pas grave, hein, on se retrouve, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est mon oreille sur le téléphone. Ah oui, oui. Puis vous savez, avec les téléphones qu'on a maintenant, les smartphones sont tellement sensibles. Oui. Des fois, on peut raccrocher avec les oreilles ou le nez, sans faire exprès. Non, comme on est, il en est loin. Non, mais c'est une petite note d'humour. Voilà, donc on vient d'entendre Isabelle, donc la chanson « Allons enfants oui. », donc écrite par Georges... Toujours positif. Georges Chelon, pardon. Toujours positif. Toujours, voilà, bien sûr. Voilà, bon, on arrivera peut-être à écouter la playlist hein, que donc ah. m'avait donné Valérie. Voilà, moi, que... vous m'avez demandé quelque chose, hein, je le fais. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Isabelle, est-ce que vous êtes venue déjà chanter en Lorraine par chez nous, là, dans, oui. dans, qu'on appelle maintenant dans le Grand Est, on dirait. Oui, bon, bien sûr, vous êtes venu en Alsace. Rarement, je dois dire. Assez rarement, oui. Assez rarement. Et ça me ferait vraiment plaisir que quelque chose puisse s'organiser oui. dans votre région. Dans la région. Parce que d'abord, c'est une région magnifique. Oui. Et puis, comme ça me permettrait de rester quelques jours. Bien sûr, et puis de visiter un petit peu. Ah oui, oui, voilà, bien sûr, bien sûr, oui, on ça est dans, me ferait plaisir, vraiment. On vraiment. Est dans les Vosges, et c'est une belle région, hein, voilà. Oh oui. Hein, c'est, vous avez vu l'Alsace dernièrement, moi, sur le concert donc, de Daniel. Alors, je ne sais pas si c'était la première fois que vous veniez en Alsace, ou... Non, ce n'était pas la première c'était fois, pas la première quand même, fois. C'est vraiment un endroit que j'aimerais avoir le tout. Alors, l'idéal, c'est de faire au moins 3-4 représentations. Oui. Et oui, bien sûr, pour pouvoir sûr. Profiter, regarder, visiter, voilà. Voilà, oui, oui. Je pense, en fait, l'idéal, c'est aussi de rencontrer les gens et de pouvoir aller partout. La semaine dernière, j'étais dans une petite ville qui s'appelle La Reims, près de Pau. Mmh. C'était dans, je sais pas, 45 km de Pau, vraiment dans la montagne, une petite salle. Et les gens étaient tellement... étonné, oui. ce qui m'étonne vraiment, étonné que je vienne jusqu'à eux. Mais oui, bien sûr, partout, il y a des gens qui aiment la chanson, je veux leur dire au revoir tendrement. Mais bien sûr, ce sera avec un grand plaisir hein, de vous voir dans notre belle région aussi. Hein, bien sûr, il n'y a pas de petits endroits, pour moi, partout c'est l'Olympia. Parce que j'ai mon ami Bruno qui vous a passé un petit bonjour tout à l'heure et voilà, il m'avait mis un petit mot sur le téléphone voilà, c'est en parlant donc de ça que vous accepteriez de chanter dans des petites salles et bien sûr, il y a pas de problème. Bien sûr, quand je dis petites salles bien sûr oui et puis c'est bien aussi, je veux dire, des petites salles. Ah ben on peut prendre les gens directement dans voilà, le bras. Oui, oui. Oui, c'est ça, oui, c'est tout à très fait. Très intéressant. Oui, je veux dire, et puis c'est comment en Alsace, hein, je reviens à parler de l'Alsace, mais c'est vrai que bon, c'était une belle petite salle hein, où vous étiez, donc Isabelle, et puis après, c'est vrai, on s'est vu, et c'est ça qui est formidable, je crois. C'est, bien sûr. Voilà, que peut-être dans des grandes salles, c'est peut-être moins évident, si, d'être proche du public avec la chanson. Toujours. Oui, oui. Je me débrouille toujours pour retrouver les gens après, parce que c'est la récompense, si vous voulez. Bien sûr. C'est la récompense suprême d'aller rester, la dernière fois, c'est 1h15, ça a duré la dédicace. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Mmh. Oui, j'étais fatiguée, mais j'étais tellement heureuse, et les gens aussi, c'est ça, c'est pas ah oui, puis les gens apprécient beaucoup, parce que tous les artistes ne le font pas, hein. Bon, après... Oui, mais ils savent pas de quoi ils se privent. Oui, je pense. C'est sûr, bon, ils font leur spectacle et puis après, bon, bah voilà, ils quittent et bon, moi je suis pas artiste, mais je veux dire, je pense que j'aimerais bien être proche des gens et puis voilà, voir. Alors, Isabelle, on va faire encore un petit tour sur votre bio. Hein. Bon, voilà. Rapide. Attention, il reste plus beaucoup de temps. Oui, oui, je surveille la pendule. Mais on a encore le temps d'écouter, bien sûr, une chanson. Alors, ben justement, on parle du temps qu'il nous reste. Hein. On écoutera cette chanson, le temps qui reste, en fait. Le temps qui reste. Hein. Oui. On va l'écouter. Oui. Alors, en 92, vous êtes décoré de la Légion d'honneur par M. François Mitterrand. Voilà. Oui. Hein, ça... Et puis donc, pour vos 40 ans de carrière, donc en 2001, vous invitez votre fidèle public à Bobino. Alors Bobino, c'était aussi une belle salle aussi. Ah oui, elle était sous la direction de Monsieur Philippe Bouvard. Ah oui, c'est un monsieur d'accord. intelligent et qui aime les artistes et qui, ah oui. en tout cas, qui m'a accueilli très gentiment, oui. mais le théâtre, ça n'était plus le théâtre tel que je l'avais vu et oui, vécu, que vous l'aviez connu précédemment. Oui. On y est quand même resté 3 semaines. Hein. Ça a été une belle,

Voilà. Le temps qui reste, Isabelle. Oui, c'est encore un beau texte. C'est un beau texte, sans vouloir, parce qu'on était ensemble, mais là, franchement, ça prend... voilà, c'est magnifique. Hein, Ouais, c'est magnifique. Ah oui, oui. Magnifique. Comment voulez-vous, moi, je suis sur scène, je m'en mets jamais. Oui, bien sûr. Alors, Isabelle, j'ai un petit message de Daniel Le Chirc, qui avait organisé le concert en Alsace. Oui. Voilà, il me met coucou Gilles, un gros bisou à Isabelle. On lui envoie des bisous parfumés à la lavande d'Ardèche. Ah, c'est gentil comme tout. Voilà. Daniel. Ah, qui, c'est très gentil, ils sont vraiment charmants. Qui nous écoute, oui, bien sûr, oui, avec son épouse Julie. Hein, ils sont charmants. Ils sont adorables, oui, tout à fait. Voilà, Isabelle, il est 17h24. Le temps passe vite. Oui. Le tiempo non se dépassar, comme disait Tonton. On ne voit pas le temps passer. Bien sûr. Alors, on a passé presque toutes les chansons, Isabelle. Ah oui. J'ai un tout petit peu bouleversé l'ordre. Parce que j'avais peur quand même de ne pas entendre cette chanson, C'est beau la vie, parce que alors elles sont toutes belles. Hein, mais c'est vrai que j'aime bien cette chanson-là et les autres aussi. Mais voilà, j'ai bousculé un petit peu la playlist. Hein, je suis désolé. Voilà. Alors, Isabelle, moi, je voulais vous dire un grand merci. C'était un plaisir. Hein, un grand merci. Oui, c'était un plaisir d'échanger. Bien sûr, un grand merci pour votre d'être sur nos ondes, pour votre sympathie, votre sourire, et puis ces belles chansons, et pour ce beau moment de partage, comme vous dites, vraiment, c'était un... Je veux dire, voilà, il y a de l'émotion. Même, vous voyez, comme ça, en parlant comme ça, il y a aussi un peu d'émotion. C'est bien vrai sûr, que c'est. Heureusement. Ben oui, voilà. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses encore et continuer, je veux dire, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, chanter toujours, voilà. Exactement. La passion, voilà. Voilà, puis j'espère que la prochaine fois, cette émission, on la fera, mais en direct. Ah oui! Ah ben ça serait sympa. Ah ben bien sûr, ça serait avec un grand plaisir, voilà. Isabelle. Alors, si vous êtes dans votre région, oui. Hop, d'accord. Vous m'appelez. Ok. Et voilà. Et où Valérie m'envoie un petit message. Enfin, je sais pas comment on peut. Voilà. Si voilà. Et puis on fait l'émission en live, en direct. Ça serait formidable. Absolument. Avec plaisir. D'accord. Ben écoutez, Isabelle, je me permets. Je vous embrasse. Voilà. Moi aussi, je vous embrasse vos auditeurs avec plein de tendresse. Merci. Dites-leur que la vie est belle. Voilà. Et qu'il faut la voir. Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, amis auditeurs, auditrices. Voilà, donc l'émission se termine. Voilà, je voulais juste annoncer l'émission donc de Lou. On retrouve Lou à 18h avec son émission L'heure des loups. Je vous retrouve exceptionnellement samedi 30 à 14h, donc avec dans nos studios en live un artiste qui vient de la région d'Alsace, un chanteur romantique, Tom Matisse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, bye bye à tous. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B, Starsky et Hutch encore roulaient, c'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage. Si on ressortait les vinyles, c'est comme la première fois sur tous ces Shabadabadas. soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines Olivia et John Travolta. Sortez les vinyles.